Bonjour auditeurs, auditrices de l'écho au 88.5. Nous sommes ici encore à une causerie du Maquis, évidemment avec notre ami Suno. Bonjour Suno. Salut, je salue tout le monde. Et aujourd'hui nous avons quelques invités qui sont dans le passage, c'est international, hein, c'est ça. Ben, nous avons de l'international toulousaine, hein, originaire GG, et qui vient nous voir d'un peu plus loin, et un compañero El Borjas. Alors on va voir cette semaine qu'est-ce qui se passe dans ces espèces de contrées étranges qui sont en train de devenir ces pays des merveilles, ou non? Eh ben, dans ce pays des merveilles, il y a un fait qui est... Ça se passe à la fois dans le pays et à l'international. C'est qu'il y a une célébration de la libération des camps, ce qui fut une bonne chose, mais ce qui est... J'allais dire amusant, c'est pas amusant, mais enfin, je trouve pas d'autres mots pour le moment. C'est que ça se fait en pleine montée, en plein retour du totalitarisme, sous des formes modernisées, affinées. Mais voilà, ça fait un choc, libérer, célébrer les deux choses en même temps. Une petite semaine. Nous avons même Monsieur Ciotti. Oui. Qui proclame son admiration pour Trump, Musk, le... Milei. Ouais, négationniste. Oui, il faut qu'il fasse oublier toutes ces turpitudes pour pouvoir... remonter l'affaire. Juste à moins d'une semaine que Trump, il a soi-disant pas fait une salutation nazie. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait une, il en a fait deux. Il en a fait un premier vers la gauche et un autre avec la droite, avec la main dans le cœur. Là. C'est un truc de fou quand même. Et je me disais, dans quel état d'euphorie, quelle substance tu dois avoir dans la tronche et tout cela, pour sentir ce moment de puissance? C'est quand même les patrons de Twitter, tu sais, de X, et ils connaissent la puissance des réseaux sociaux. Je serais complètement innocent de se dire que les gars, ils ne l'ont pas géré. Mais ils y sont actuellement, en fait. Les capitalistes sont dans une toute puissance tellement grande qu'ils se permettent du n'importe quoi, tu vois. Là, il y a Bernard Arnault, actuellement, type les plus riches du monde, qui se promène, en fait. Personne les chope et c'est fait des... Et je vais revenir à ma réputation de cannibale. Personne s'est fait des tresses avec ses tripes. Voilà. Et il paraît qu'au Sénat, c'est revenu le round-up, stand-up. Ah bah, au Sénat, il y a des propositions de loi pour remettre en usage divers pesticides qui ont été interdits. Gros bataille tenue par les écolos, par les gens de différents endroits, et même la reconnaissance dans plusieurs endroits de la nocivité des pesticides dans les milieux de travail, et avec des paysans et pour le coup ou des agriculteurs, parce que c'est pas la même chose, il paraît, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont empoisonnés eux-mêmes et tout. Eh bien, voilà, les Sénats, on n'est pas, même pas en train de parler de la Chambre des députés. C'est pas une chamarrie. Là, c'est à nouveau à peut-être revenir loin. Et ça a à voir avec les productivismes, de la même chose que pour les bassines, ou les LGV, ou tout cela. C'est la fuite en avant capitaliste, ou quoi, à la blande. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est actuellement. Alors, ce que je me disais, c'est... Et ils vont faire ça avant ou après changer la chaise à 38 000 euros du président du Sénat là, qui s'est plaigné que sa chaise n'était pas bonne et il en a mis 38 000 euros dans les changements de sa chaise d'école, ou poser son cul. En fait, en plus, on paye 40 000 balles presque pour qu'un connard pousse son cul. En réalité, il pousse son cul sur nos têtes. Sur nos têtes, voilà. C'est un peu plus clair, hein. Au 88.5 à l'écho, aux causeries. Et il paraît qu'il y a aussi... j'ai regardé, tu vois, des fois, quand j'arrive pas à lire les journaux, écouter un peu la radio et tout cela, je regarde des petits extraits sur Internet, nettement les trucs et les vues, que c'est comme les zappings ou des choses comme cela. Et j'ai vu Retailleau, ça s'appelle, Retailleau. Retailleau, ouais. Ouais. Oui. J'ai du mal à retenir les noms, ouais, les premiers flics de France. Mais en fait, ça, on ne sait pas, parce que tu sais, l'autre, il a pas l'air de vouloir laisser les fonctions. Il ne se rend pas compte que le ministre de la Justice, garde du Sceau, il continue à dire des conneries comme quand il était ministre de l'Intérieur, quoi. Donc, du coup, et Retailleau, en fait, cette semaine, dans une conférence de presse, elle aura salué, mais en fait, sans pitié, hein, autour de la. Publiquement. La détentrice, on va dire, la présidente du réseau Nemesis. Alors, qu'est-ce que le réseau Nemesis? Tu vois, pour tous ceux et celles qui ne naviguent pas dans nos nébuleuses, on va dire, le réseau Nemesis est un mouvement soi-disant féministe d'extrême droite qui considère que la violence patriarcale et que tous les assassinats et les violences intrafamiliales qui existent sont seulement conséquences de l'immigration. Tu vois? Ah bah oui. Donc c'est des copines à moi, comment tu es. À toi aussi, sale immigrant. Ouais, ouais. Bah, si on considère que nous sommes tous des émigrés d'Afrique... Ouais. Bah, ça revient à un certain mode d'humanité. Mais en tout cas, là, ce qui est hallucinant, c'est que ça soit quand même les ministres de l'Intérieur qui soutient un discours, mais aussi un réseau qui devrait être illégalisé. C'est quelque chose qui depuis très longtemps, l'apologie du racisme, des nazismes et tout cela, avait été pénalisé par la loi. Oui, oui, et chaque fois moins. Aujourd'hui, il commence à... Tout ça, c'est banal. Analyse à un niveau oui, ça devient la norme et ridicule. En fait, tu vois, aujourd'hui, tu sais, quand on te dit que l'anarchie, c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est que les systèmes comme ça, ils marchent. En fait, tu vois, impossible, c'est de croire à un politicien. Tu vois, ou de penser que par là-haut, il y a quelque chose qui va changer. Regarde ce qui est en train de se passer dans les parlements. Bayrou. Il attend ces 6 mois pour s'accrocher à sa retraite des premiers ministres. Sauver à vie, les mecs. Tu vois, s'il reste 6 mois dans les pouvoirs, après, il va pouvoir toucher sa retraite à plein pot. Alors, une retraite des premiers ministres, t'es... Big up. Nous, on voudrait une journée de retraite des premiers ministres. On serait heureux de la vie, quoi. Et encore au sein du PS, paraît que c'est la merde. Il y en a des frondeurs, des pas frondeurs, de ceux qui veulent les censures, de ceux qui n'ont. En tout cas, comme d'habitude, valeur d'ajustement, pot à vals. Voilà. Los socios listos. Après, à Vals et à Hollande, qui oui, n'est pas pour rien dans le qui réapparaissent, c'est un truc qui a ramené monsieur Macron. Ouais. C'est quand même drôle de voir Hollande, Vals. Et encore ouais, ouais, avoir. Tous ces gens l'a ramené encore. Et encore voir Sarkozy en pleine tempête médiatique, tu vois, ouais, sur l'affaire Kadhafi. Voilà. C'est pas. Ça nous amène à une guerre froide qui s'est jamais arrêtée. Et cette semaine, il y a eu. Ben, je sais pas. Tu sais, moi, je ne suis pas trop pour la justice bourgeoise et tout, mais bon, avoir une nouvelle comme pour laquelle ils se sont battus pas mal des gens, nettement des collectifs, des mutilés, ben, il y a eu une mise en examen, une accusation pour homme et pour blessure involontaire, quand même, sur les gars. Rodriguez. Oui, tentative d'homicide involontaire, un truc comme ça, tu vois, du style. Pas très culpabilisant. En tout cas, je sais que j'avais lu l'intitulé, je suis désolé de ne pas m'en souvenir bien. Et pour les gars qui avaient borgné Rodriguez, qui a été un des gars connus lors de l'essor des mouvements Gilets jaunes, et ainsi que Maxime, que d'autres personnages, et qui est devenu un peu un des porte-parole des mutilés, car c'est un des types qui a perdu l'œil, comme plein d'autres. Ouais. Et comme ceux qui sont perdus leurs mains et d'autres la vie et d'autres mais qui croupissent encore un tol qui ne le veulent pas. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi 2 suicides au sein de la DCRI. Et comme on dit, flic suicidé, moitié pardonné. Et là, alors, quelle affaire étrange doit-on avoir au sein de la direction des renseignements intérieurs pour qu'à moins d'une semaine, il y a 2 personnes dans des unités différentes qui se suicident Tu vois, là, si, comme je t'ai dit, si c'est pas maintenant des affaires de cocaïne, ça a à voir avec le lithium. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est que ça sent pas bon, quoi. On peut se demander si on les a pas un peu aidés. Oui. Mais, en ce moment, ça, tu vois, ça, c'est revenu beaucoup, les barbouzeries. Tu vois, et à tel point qu'il y a des... Les barbouzeries, ça peut jamais disparaître totalement, en fait, puisque le premier à ne pas respecter ses propres lois, c'est l'État. Oui, en permanence. Ils les font pour. Hein. Voilà. Et à la lei et à la trempe. Obligatoire, les barbouzes. Voilà, et dans les infos de la semaine, il y en a des intéressantes et des moins intéressantes. La première, et ben, ils ont relancé cette histoire des, tu sais, brigades anti-ZAD, là où ils amènent, tu vois, les espèces de tanks qui s'embourbaient là, ça fait pas longtemps. Et donc, du coup, il y a des copains à Saint-Jory, ils sont en train d'occuper donc une partie des écureuils qui avaient changé d'un lieu à l'autre, de ceux qui étaient contre les... La 69, ouais. Voilà, maintenant ils sont à continuer la lutte contre la ligne LGV, une lutte qui dure depuis plus de 20 ans et en fait qui a eu beaucoup de retentissements autour des Bayonne, d'abord posé par les Basques, les débuts d'alternatives et tout cela. Maintenant ça se répond et ça se déplace et il y a certains endroits où il y a des blocages ou des tentatives d'organisation. Alors là, maintenant, sans grande raison, parce qu'en fait, ils ne bloquaient rien pour le moment, mais de manière préventive, mais ils sont lancés en assaut, il y a eu des gardes à vue, des copains se sont fait arrêter. C'est un peu les carnages, cette histoire-là. On est en train d'arriver à un niveau de répression dans lequel ils font des arrestations préventives sans aucun ménagement, quoi. Oui, c'est le retour de la lettre de cachet, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. Voilà. C'est le retour de la lettre de cachet. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour t'arrêter. La police arrête qui elle veut, quand elle veut. Voilà, et tue aussi. Et tue. Mais là, il y a un compagnon qui va nous faire un petit point sur une aberration qui est arrivée cette semaine. À Toulouse. Ouais, donc j'ai le malheur de vous raconter cette histoire. Du coup, à Toulouse, dans le quartier de La Faourette, malheureusement, il y a eu un meurtre policier le 24/01/2025, donc il y a quelques jours. Et du coup, nous parlons de Thibaut Bilal Wininger, du coup, qui était connu au quartier pour être le roi de la mécanique. Et c'était un garçon de 34 ans qui apparemment réparait les véhicules de tout le monde gratuitement et du coup quelqu'un connu au quartier. Et du coup je vais lire le petit communiqué d'appel à témoins et qui relate quelques faits des premiers témoins qui ont pu être témoins. Donc les faits, c'est du coup ce 24 janvier vers 11h à la rue de Kiev, un jeune adulte, Thibaut Bilal Wininger, roule en scooter avec un casque et tombe contre un poteau. Il décède dans l'après-midi. La police municipale et ou nationale, du coup c'est pas clair si c'était la municipale ou la nationale, lui aurait demandé de s'arrêter. Il aurait refusé ou n'a pas compris. En passant près d'un des policiers, l'un de ceux-ci l'aurait ostensiblement et volontairement poussé, d'après des témoins, ce qui a provoqué sa chute mortelle. Ce jeune adulte est extrêmement favorablement connu dans le quartier. Les jeunes sont sous le choc, bouleversés et très remontés. Après une très longue réunion dans un local associatif du quartier, une assemblée très nombreuse de jeunes a décidé d'un appel à témoins et de l'organisation d'un rassemblement demain samedi. Du coup, le lendemain, samedi, il y a eu un rassemblement où il y a de nombreux jeunes qui sont venus discuter. Donc on n'a pas entendu parler d'un mouvement, d'une manifestation ou d'émeutes de ce genre en réaction. Mais ça a été une opportunité pour que plein de gens se rencontrent, discutent et qui commencent à s'organiser pour penser à la mémoire de Bilal et de continuer de lutter contre les violences policières au sein du quartier. Donc là, on peut voir que c'est encore un mort suite à un refus d'obtempérer. C'est un truc qui arrive tout le temps. En fait, les gens, ils en ont marre d'être contrôlés. On sait bien qu'on risque en fait des bavures policières à se faire contrôler, voire même la mort. Et du coup, ce chantage de risque de perdre sa mort si on refuse en fait un simple contrôle, en fait, ça fait partie de la violence de la police quotidienne que les gens y subissent, quoi. La question des refus d'obtempérer, comme on dirait maintenant, en fait, il paraît que la loi martiale il s'est réinstaurée, parce qu'il y en a plusieurs, et surtout quelque chose qui est en train de beaucoup me choquer dernièrement, c'est la façon dont ça a commencé par Béziers, là, et c'est la façon dont on arme la police municipale. Et les exaltés qui sont là-dedans aussi, tu vois, parce que je te dis pas que les autres, ils sont mieux, la police nationale ou d'autres. Mais la police municipale, souvent, c'est les glandeurs, des chez glandeurs qui sont jamais réussi à rien foutre, ressentis de la vie, à lesquels on est en train de leur donner, d'un coup, un flingue et du pouvoir là où ils l'ont jamais eu. Et donc, c'est une équation qui va vers l'assassinat. Parce que vas-y, en fait, tu deviens un flic dans ton quartier. C'est la honte quand même. Je suis désolé. Hein. Tu vois, là, j'ai dit, et je l'ai dit haut et fort, hein, flic, soldat et gendarme, et arrêtez votre métier, quoi. En fait, ça n'a rien d'honorable, particulièrement dans les temps qui viennent aujourd'hui. Et j'appelle à toutes les mères, à toutes les sœurs, à toutes les copines, à toutes les... pas laisser que vos amis, vos copains, tout ça deviennent ces mains qui se permettent aujourd'hui de continuer à tuer comme ce qui est en train d'arriver à Toulouse. Merci beaucoup, GG. Un peu d'international sous nous. Ce sont... Je voudrais ajouter au fait des flics militaires et gendarmes, la base de leur fonction, c'est d'obéir. C'est donc d'être des crétins, d'obéir à n'importe quoi. Tout flic ou militaire est un SS en puissance. Il suffit que le chef dise « tu vas tuer tel ou tel » et il doit obéir. Ah oui, oui. Ah. Mais de tous les grands procès de l'humanité, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili, que ce soit après chez les nazis, que ce soit après le franquisme, et les lois pour lesquelles ils se sont sortis, il y a beaucoup de types qui sont eu des indultes ou des amnisties, et bien c'est la loi d'obéissance à la vie. Voilà, parce qu'il fallait que j'obéisse. Ouais, voilà. Tout seul, je ne l'aurais pas fait, mais il faut que j'obéisse. Voilà, exactement. En fait, on dirait que quand tu vas. C'est ce qui devrait être tous les contraires, en fait. On te file une arme, tu devrais avoir un cerveau. Mais non, là, l'idée, c'est de troquer l'arme à la place du cerveau. À la place du cerveau. Voilà. Et il y a eu, j'ai regardé aussi sous nous cette semaine, l'investiture de Trump. Oui. Ah voilà, là c'est du haut niveau. Oh, tu sais que c'est aussi ridicule que quand tu as eu comment il s'appelle l'acteur les cowboys. Reagan. Ronald Reagan. Quand il est arrivé, Ronald Reagan, il en a fait comme ça aussi, un grand spectacle et tout. Mais une des choses qui sont quand même marquantes sur les choses, c'est les invités. Il a invité un peu les fachos de partout. Ben ouais, ouais. Toute la crème de la surveillance. Il en a parlé sur un nouveau système. Et écoutez bien, parce que si Trump il l'a dit et Musk il est dans les coups, qui s'appellerait Stargate, qui est un système d'informatisation des absolument tout. C'est vraiment la prise de pouvoir de l'ensemble des systèmes de défense et tout cela par l'intelligence artificielle, en étant la plus grande Stargate, la porte des étoiles, il appelle des types. Et autre qui est passé des... En fait, il a publiquement, tu sais, il s'est assis à signer des décrets et... Ouais, en masse. Mais bon, là, cette semaine, déjà, ils sont en train de les revenir, hein, parce que les États-Unis, c'est quand même un pays qui est décentralisé. Et donc, la Cour fédérale, elle reste indépendante. Et donc, du coup, ils sont. Comme il y a plein de choses qu'il a demandé qui sont anticonstitutionnelles, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à se mettre en place. Mais il y est sur la question de évidemment jeter la faute sur les migrants de tout, un peu comme ce qui est en train d'arriver ici. Et, sauf que déjà, la Silicon Valley, ils sont en train de dire, mais attendez, si les employés sont bons, qui c'est qui va nettoyer nos chiottes? Tu vois? Donc déjà, il y a ces gens de réactions. Et autre chose intéressante, et je ne sais pas si ici ça pourrait se faire, tu sais. Autre chose intéressante qui est vraiment un symptôme, c'est qu'il a amnistié l'ensemble des émeutiers du Capitole. Ouais. Dans lesquels t'as quand même là des gens du Ku Klux Klan et des personnages des groupements de ce qu'on appelle les White Power. Ouais. C'est quand même un truc qui est en train de monter sérieusement et en fait il en a amnistié des centaines en fait, tous ceux et celles qui sont participés à une tentative de putsch. Tu vois? Donc, il paraît que ce n'est pas non plus gratuit, qu'aux États-Unis, quand même, commencent à émerger des mouvements. Oui. Évidemment, ces mouvements, certains vont être issus des minorités. Ça a à voir avec la répression et tout, mais aussi sur la remise en question de la redistribution sociale. Voilà. Et comme je te disais la dernière fois, sur une autre fois, je me pose la question de si Chomsky n'avait pas raison en train de dire de que peut-être enfin les bordels viendraient de là. Et on peut se le demander quand on voit ce qui est en train d'émerger actuellement, même aux États-Unis, l'opposition à tout ce que veut mettre en place Trump, notamment virer des gens dont les enfants sont nés aux États-Unis. Oui, enlever les droits de sang. Même de certains services officiels. Et dans la rue, ça commence à grouiller. Il se pourrait. Le top, ce serait qu'un soulèvement aux États-Unis et que ça fasse la jonction avec le Mexique. Ah bah là, ça serait d'une beauté, tu vois, sachant que les Américains, ils sont armés. Tu vois. Si on y voit un truc comme cela, Suno, on passe à la retraite. concernant les restes des affaires internationales, cette semaine on n'a pas beaucoup trop regardé si ce n'est pas qu'il y a eu les cessez-le-feu à Gaza, que ça continue voilà. Quand même la question là-bas à Gaza. Mais en fait, ces cessez-le-feu à Gaza, c'est carrément l'heure, parce qu'en fait, c'est simplement le repliage pour un autre front, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, Israël intensifie le front côté Liban. Il bombarde, il intensifie les bombardements au Liban, quoi. C'est juste un échange, un changement de front, et rien ne dit qu'à Gaza, ça ne va pas revenir dans quelques temps. Hein. Manifestement, Netanyahou veut continuer, évidemment. Mais si ça s'est trouvé, ils sont arrêtés un peu pour faire les commémorations, tu vois. Ouais. histoire de laver un peu la conscience générale. Par contre, dernièrement, on n'entend pas parler ni de Poutine, ni de l'Ukraine, ni rien. Non, ça s'est calmé au point de vue médiatique, en tout cas, pour le moment. Quoi. Sachant que normalement, ils disent que cette fois-ci, les Ukrainiens, ils ont réussi à avancer sur certaines choses, mais il n'y a pas de cessez-le-feu, ni rien, actuellement, sur la question. Quoi que Trump devait arrêter la guerre en 24 heures, il a eu... Oui, c'est ça. Et Macron, il allait être les sauveurs de l'Europe. Aussi, ouais. On en a des personnages, quand même. Hein. Tu vois, des fois, tu te dirais que c'est... Ils sont inventés les télé-réalités et ils y vivent dedans. Oui, exactement. Tu vois, là, c'est vraiment l'impression que ça donne. Oui. Comme si vraiment, tu vois, là, ils savent pas combien ça coûte une baguette. Bah, d'ailleurs, il y a de plus en plus de chefs d'État ou de gouvernement qui sortent de la télévision. Hein. Oui. Trump, entre autres. Oui, plein. Zelensky, ça. Ah, ben, ici, c'est lui qui monte, c'est Hanouna. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Si. Hein? Parce qu'à chaque fois, le fascisme a toujours eu besoin des clowns. Des espèces de clowns ridicules. Là. Des dons comme Beppo,

c'est les petites choses qui ramènent les sourires, comme quand on parlait l'autre jour de la station de ski qui a été occupée pendant les Nouvel An, comme des lieux qui sont en train de s'ouvrir, comme des petites moments de résistance, comme aux États-Unis la tirelire qui s'est mise en place pour soutenir Luigi. Oui, voilà, tu vois, et en fait d'un coup, comme ça fait un siècle et demi, il y a l'émergence de ces espèces de personnages vindicadores, c'est les anciens des vindicateurs, tu vois, qui supportent pas seuls, qui sont impatients, comme on dit, des compagnons impatients, qui supportent plus la moutonnerie générale, ouais. Et qui finissent pour y aller au carton souvent tout seul, et ils sont martyrs et des martyrs, et en même temps des exemples compliqués à promouvoir comme mode d'action, et salutations au courage de ces gens-là, exactement, quand même sous nous. Alors, tu as des éphémérides cette semaine? Et ben oui, comme d'habitude, ça s'est passé ce jour-là, on va dire. Et ces jours-là, sous nous. Là, nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, en pleine commémoration de l'ouverture des camps. Et on parle parce que tu dis l'ouverture des camps. Mais tu sais qu'il y a plein de jeunes là qui n'ont aucune putain d'idée de qu'est-ce que c'est les camps. Absolument. On en est dans une, on va dire, vide historique. On est dans une amnistie historique organisée. Oui. Donc quand on parle même les beaucoup de journalistes sont totalement ignares en ce qui concerne l'histoire relativement récente. Oui, on parle, mais on est en train de parler. 40 qui sont perdus. Oui, oui, carrément. Et donc, du coup, on parle de l'ouverture, en fait, de la libération des camps de concentration dans la deuxième, tenue par les nazis et d'autres, hein, parce qu'il n'y avait pas que les nazis, il y avait aussi les fascistes, et après la deuxième guerre mondiale. Et donc, les camps qui ont été ouverts avant le début de la guerre mondiale, les premiers camps en Allemagne, ont été ouverts pour y mettre les opposants. Hein. Oui, d'abord, c'est Erich Muss, un des premiers disparus, assassiné dans les camps, dans des compagnons anarchistes. Et là, comme on est aux approches du 26 janvier, nous, on va vous parler du 26 janvier 1939. C'est le jour où les bandes armées franquistes sont rentrées dans Barcelone, une ville en ruine. Un port encombré de navires coulés parce que l'aviation mussolinienne avait opéré pendant 2 ans des bombardements quasi quotidiens. Voilà, ça c'est le 26 janvier 1939. L'année d'avant... On oublie ça, Suno, hein. La convergence des parce que là il est, en fait, la convergence, on va dire... L'alliance entre les Allemands et les Italiens pour achever l'espoir espagnol, quand même. Exactement. Et pour mettre ça, Franco, au pilonné avec l'aviation, en fait. Si vous calculez, nous, vous savez, nous, on est dans l'Hérault, pas loin de où ça s'est passé. On est à 3 heures de Barcelone. Mmh. Imaginez que la France restait impassible alors que d'ici, on devait entendre les détonations. Avec un gouvernement de gauche, oui, France. Oui. Les socialistes, non, c'était pas... Comme d'hab. Voilà. Et de temps à autre, même dans les tragédies de guerre, de temps à autre, il y a des gags. Oui. Ils peuvent être tragiques aussi. Non. Ouais. Là, il s'agit le 26 janvier 1938. Ok. À Barcelone, toujours. À 8h du matin, il y a 6 trimoteurs italiens qui volent à 5000 mètres d'altitude. Ils larguent leurs bombes. Une des bombes tombe sur la prison Modelo. Si. Et elle frappe la galerie où sont emprisonnés des fascistes. Non. Ça, comme gag, c'est assez fabuleux. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé au contre-sommet l'OTAN. Et en fait, à un moment, au contre-sommet l'OTAN, parce que si vous voyez, la France, elle est rentrée dans l'OTAN en 2009, suite à vote de Sarkozy. Voilà. On n'aurait jamais eu des Charlie Hebdo ni tous les bordels de la France mêlée dans tous les conflits de l'Afghanistan et même par rapport à Israël et tout cela si Sarkozy n'aurait pas résigné de participer à l'OTAN. À ce moment-là, c'était très compliqué réexpliquer, parce que la mémoire elle était morte, de réexpliquer la nocivité de l'OTAN. Tu vois, c'était l'émergence de l'Union européenne, tous ces genres de choses. Donc du coup, on y va, on savait qu'on allait à la gueule du loup, hein, à empêcher cette contre-sommet. Comme si c'est fait, c'était devenu un peu une des rendez-vous des moments anticapitalistes contre l'Organisation mondiale des commerces ou les rassemblements des États pour faire du business. Et en fait, quand on y arrive, ils nous avaient mis, ils avaient encerclé la ville. C'est la première fois qu'ils s'encerclent. Ils testent quantité de matériel qui maintenant il est d'usage normal, hein. Courant, les assourdissants, les gaz vomitifs et tout cela. Les gaz vomitifs, je ne l'ai plus jamais vu, hein. Je les ai vus que cette fois-ci. Et en fait, à un moment, des hélicoptères, ils nous jetaient des gaz. Et en fait, nous, on était juste en face d'un grand cordon des CRS qui n'avait pas de casque. Ah ouais. Et quand ils lancent ces espèces de gaz vomitifs, nous on court. Après, les trucs, c'est particulier, hein, parce que les gaz vomitifs, tu les respires et ça sort tout seul, en fait. T'as même pas la sensation d'un truc qui pousse. C'est comme si y aurait d'un coup, comme si t'étais cagé par la bouche, quoi. Comme ça. Donc du coup, tu cours et tu vomis. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on courait et on voyait toutes les flics en train de se vomir dessus les uns aux autres. Tu vois, là, c'était quand même quelque chose. Ils avaient loupé leur coup comme les Italiens. Vas-y, Suno. Et on va avancer un peu dans la date du mois, mais on va reculer dans les années. Là, nous sommes le 29 janvier 1911 au Mexique, en Basse-Californie. Il y a une offensive du Parti libéral mexicain dont nous rappelons que ça n'a rien à voir avec un parti politique. Oui. C'est en fait qu'une organisation anarchiste, c'est le mouvement révolutionnaire libertaire organisé par les frères Magón et dont la devise est déjà Tierra y libertad. Sont les premiers anciens. Voilà. Donc, ce 29 janvier 1911, la ville de Mexicali est conquise sous la conduite de Simón Bertold et José María Leyva. À partir de là, la révolution s'étend aux autres provinces du Mexique. Les magonistes, aidés par de nombreux internationalistes, parmi lesquels des membres des IWW des États-Unis et du Chili. Oui, impressionnant. C'est voilà. Entre ceux-là qui paraît qu'il y avait Betraven. Et à partir de là, s'organise la commune de Basse-Californie, qui est une expérience de communisme libertaire avec l'abolition de la propriété, travail collectif de la terre, formation de groupes de producteurs, etc., association de travailleurs libres. Oui, en fait, c'est très intéressant de que tu parles de cela parce que tu es en train de parler de 1911, alors que la supposée révolution russe, elle date du 14, et que les soulèvements espagnols, elle date des années 30, et même la Magna China, 1921, ce qui fait quand même la révolution mexicaine dans ses positions les plus avancées, parce qu'en fait, l'orientation du communisme libertaire, il est en 1910, ou un peu plus de 1910, en Espagne, au Congrès de Saragosse. Même pas. C'est adopté comme position officielle de la CNT en mai 1936, au Congrès de Saragosse. Voilà. Et donc, du coup, alors que les Mexicains, ils avaient déjà tenté de faire la tentative, évidemment influencée par les idées de Flores Magón et tout cela, qui était influencé par Tocqueur, par Reclus, par Bakounine, par tout cela, mais qu'ils avaient aussi une mentalité issue aussi des communautarismes indien. Bah, les frères Magon étaient métis. Métis, les deux, oui, oui. Filles d'une Nahuatl, que je sache. Et je me souviens parce que j'ai appris ça à mes enfants quand elles étaient petites. Ils disent que leurs parents, ils les disaient en permanence. Vous savez quoi, les enfants, quoi? Todo es de todos. Tout est à tous. Tout est à tous. Ils disent que c'est ce qu'ils lui disaient à chaque fois qu'il les réprimandait ou qu'il y avait des problèmes comme ça. Ils prenaient leurs hermanos, Flores Magón, qui après ils ont été assassinés quand même. Mm-hmm. Et ils les disaient todos et todos. Et donc c'est super intéressant de ramener à la mémoire et les moments où il y a eu déjà des tentatives avant d'autres endroits dans le monde de l'instauration des communes. Et des choses qui fonctionnent à chaque fois. C'est militairement que c'est annihilé. Ah oui, oui. C'est par les armes que oui, c'est oui, annihilé. Oui. Ce sont des modes d'organisation qui fonctionnent parfaitement dans la liberté. Ouais. Mais figure-toi qu'hier, j'ai regardé un documentaire tandis qu'ils disaient qu'ils n'y arrivent pas à achever avec les cartels du Mexique parce qu'ils ont adopté des formes d'organisation horizontale. Ils disent « Ah, mais non, en fait, on tue les chefs et ça fait rien. Ouais. » On ne peut pas décapiter un mouvement qui n'a pas de chef. Qui n'a pas de chef. C'est un panneau des gilets jaunes. Des gilets jaunes, ouais. Il y a une petite des éphémérides. Le 26 janvier 1944, à Birmingham, Alabama, États-Unis, naît Angela Davis, qui ouais. fut une des figures du mouvement des Black Panthers. Quoi. Qui est vivante qui est toujours vivante. Qui est toujours vivante. Et c'est pavane un peu. Maintenant, c'est une ambassadrice des droits des minorités et tout cela qui vit des saints. Et le 26 janvier 2015, cette fois, ce sont les unités de défense populaire YPJ kurdes qui libèrent la ville de Kobané. De Kobané. Ah oui, je me souviens de la bataille de Kobané quand même. Voilà. Ça a été un des gros épisodes oui, de oui. la lutte contre Daesh et compagnie. Et toute cette question-là. Et pour cela, en fait, on vous annonce quand même que pour le mois d'avril, nous allons avoir un gros séminaire concernant la question kurde. Que ça aura lieu sûrement à Bouaba, à la commune de Maki, là-bas dans les Minervois. Et pour ceux et celles qui s'intéresse, vous n'hésitez pas à nous écrire, on va essayer de vous faire circuler les programmes, mais aussi on va essayer d'inviter à ce moment-là des gens des mouvements démocratiques et des confédéralismes démocratiques kurdes qui seront présents et qu'on va inviter dans nos causeries. Parfaitement. Voilà, et s'il ne te reste pas grand-chose Ouais, j'ai pas grand-chose, j'ai deux, trois petits faits, mais on en est où? Je peux les citer ou les garder? Je pense que tu peux les citer et après on s'en va. Eh bien, le 3 février 1842, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui passe en procès devant les assises du Doubs. Et il passe en procès à cause de la sortie en janvier de son troisième mémoire sur la propriété. Avertissement au propriétaire ou lettre à monsieur considérant, rédacteur de la Phalange. Ça, c'est grave aussi de s'attaquer à la propriété. Ah ouais, ouais, mais ouais. Finalement, il est acquitté. Il oui, oui, défendre. Pour une histoire de liberté d'expression, si je ne me trompe pas. Voilà. Et en 1913, en février, toujours à Los Angeles, c'est l'ouverture de la Casa del Obrero Internacional, dont Juan Francisco Moncaleano est l'un des fondateurs. Le même immeuble servira plus tard à abriter une école Ferrer, une école moderne, et ce seront aussi les locaux du journal Regeneración, le journal des frères. Comment s'appelait le lieu, son nom? Le lieu Casa del Obrero Internacional. C'est le même nom qu'il y avait eu à Mexico. Que déjà. Le même qu'il y avait parallèlement. Qu'il y avait antes. Oui, oui. qu'il y avait avant ou qu'il a été parallèlement? Parce que là, tu parles de 1913. Ça existait déjà en 1910-1911. Hein, C'est drôle quand même, hier, on en parlait sur ces questions-là. Ouais. Voilà. Mais nos plus grands sentiments envers ce qui reste de ces idées et magonistes qui continuent à traîner partout quoi, avec ces idées de Tierra y Libertad, Suno. Les terres à liberté. Voilà. Alors, sur cela, on vous dit à la semaine prochaine, en espérant que vous lâchez rien et vous lâchez rien, vous ne vous laissez pas écraser par votre patron, vous ne fermez pas votre gueule devant l'oppression. Allons de l'avant, gardons le courage parce qu'on va la faire cette révolution. Et voilà. Et si on ne bouge pas, ils vont transformer la terre entière en un camp. Effectivement. Avec des méthodes un peu moins brutales. Et on va bouffer que du Sodexo. Voilà. Exactement. Aou! Aou!